Moby Dick ou le cachalot de Herman Melville. Traduction et adaptation de Philippe Jaworski. Réalisation Jean-Mathieu Zande. Troisième épisode. Ismaël, un jeune Américain en quête d'aventure maritime, se rend à Nantucket où il veut s'embarquer pour une campagne de pêche à la baleine. C'est sur le Pequod, un vieux navire baleinier couvert des os et des dents de son ennemi héréditaire, qu'il partira avec son ami Kikeg, le harponneur païen. L'armateur, un quaker bontain de Nantucket, lui a fait signer son engagement en l'absence du capitaine. Ismaël apprend que ce dernier porte le nom d'Akab, un roi impie de l'Ancien Testament, et qu'il a perdu une jambe arrachée par un monstrueux cachalot blanc. Au moment où le Pequod lève l'ancre, le jour de Noël, Ismaël ne sait toujours pas à quoi ressemble celui qui tient désormais sa vie dans ses mains. Laissez-moi vous dire que je sais tout sur la perte de sa jambe. Tout. En êtes-vous sûr? Êtes-vous bien sûr de tout savoir? Nous avions quitté Nantucket depuis plusieurs jours et le capitaine Akab ne se montrait toujours pas. De temps à autre, les diaboliques incohérences d'Eli, ce locteux prophète des quais, me revenaient en mémoire, nourrissant des inquiétudes mal définies. Un matin, à l'appel du quart, je montai sur le pont. Sous un ciel gris et morne, le capitaine Akab se tenait là, planté sur le gaillard d'arrière. Rien, aucun signe sur sa personne ne semblait trahir une maladie ordinaire, ni un état de convalescence. On aurait dit un homme qu'on vient de détacher d'un bûcher, dont les flammes ont méthodiquement ravagé tous les membres sans pourtant les consumer. Un fin sillon, d'une blancheur livide, zébrait son visage et son cou avant de disparaître dans ses vêtements. S'agissait-il d'une marque de naissance? Ou était-ce la cicatrice d'une terrible blessure? Des rumeurs extravagantes circulaient parmi l'équipage au sujet de ce mystérieux stigmate, mais nul n'y fit jamais ouvertement allusion durant le voyage. Une gravité lugubre, impérieuse, se dégageait de cette robuste et large figure qui paraissait faite de bronze massif. Dressé de toute sa hauteur près des haubans d'Artimon, un bras levé agrippant un cordage, appuyé à demi sur une jambe barbare façonnée dans l'os poli d'une mâchoire de cachalot, Akab fixait un point au-delà de la proue toujours plongeante du navire. Il y avait dans ce regard voué au guet un infini d'inébranlable résolution et autre chose aussi. Akab levait au ciel un visage de crucifié où se lisait la dignité royale d'une indicible souffrance. Pas un homme ne montera dans ma pirogue s'il n'a pas peur de la baleine. C'est Starbuck, le second du Pequod, qui parle ainsi. Un homme à la mine grave. Starbuck est originaire de Nantucket et d'ascendance quaker. Ce n'est pas un croisé en quête d'aventures héroïques. L'individu est brave et courageux, exceptionnellement consciencieux, mais prudent. Profondément religieux, il incline cependant à cette sorte de superstition qui a sa source dans l'intelligence plutôt que dans l'ignorance. Il peut affronter les pires dangers de la chasse, mais reculera terrifié devant les colères d'un esprit plus puissant que le sien. Ohé, les vigies! Ouvrez l'œil! Des baleines dans les parages! On reconnaît les accents de Stubb, notre premier lieutenant. Toujours d'humeur joyeuse, insouciant, léger, il prend les dangers comme ils viennent, d'un air indifférent. Sa courte pipe noire immuablement coincée entre ses dents, il préside aux manœuvres de sa baleinière comme si la rencontre la plus meurtrière était un simple souper et ses hommes d'équipage des convives. Et flanc à flanc avec un monstre au comble de la fureur, il continuera à vous fredonner ses vieux rigodons. Embarquez clandestinement, monsieur Stubb. Une pénible affaire. Oui, clandestinement. Et sous la protection particulière du capitaine. Cette voix chuchotante est celle de Flask, le second lieutenant. L'homme est petit, râblé, rouge de santé, et parfaitement insensible aux merveilles de la pêche baleinière ainsi qu'à ses dangers. Le cétacé prodigieux n'est pour lui qu'une espèce de souris de grosse taille, d'où son intrépidité, née de l'inconscience. Tels les chevaliers du temps jadis, chacun des trois officiers d'Akab est accompagné dans sa pirogue de son harponneur. Celui de Starbuck n'est autre que Kikeg, mon ami cannibale que vous connaissez déjà. Celui de Stubb est un indien, Tashtego, aux pommettes hautes et aux yeux de jais. Tashtego est né dans le dernier village de Peau-Rouge d'une île voisine de Nantucket. Flask, lui, est assisté de Dagoo, un noir gigantesque à la démarche de lion. Près de cette ébène impériale, le petit Flask ressemble au pion d'un jeu d'échecs. Monsieur Starbuck, rassemblez tous les hommes à l'arrière. Le capitaine, c'est un ordre qu'on ne donne que dans les cas exceptionnels. Tout le monde à l'arrière. Oh, les hommes de vigie là-haut, sur le pont. Le jour tombait. Akab avait arpenté le pont toute la journée avec une fanatique détermination. Et tandis qu'il faisait sa ronde coutumière sur les planches, on aurait dit que les rides sur son front, plus profondes que d'ordinaire, étaient les étranges traces de pas d'une pensée dont le cours ne connaît ni jour ni nuit. Que faites-vous quand vous voyez une baleine, matelot ? Au cri ! À plein gosier ! Et que faites-vous ensuite, matelot ? Tendons à la mer ! Et suce à la baleine ! Et quel est le refrain que vous entonnez quand vous poussez sur les avirons ? Mer à la baleine ! Où coule la pirogue ? Il sortit de sa poche une grosse pièce d'or et la tint levée dans le soleil. Regardez bien. Vous voyez ce doublon espagnol ? Il vaut 16 dollars, matelot. Monsieur Starbuck, passez-moi ce maillet. Starbuck alla chercher le marteau, et Akab, après avoir frotté la pièce d'or sur le pan de sa vareuse, comme pour en aviver le lustre, cloua le doublon au grand mât. Celui d'entre vous qui lèvera un cachalot à la tête blanche, avec un front ridé et une mâchoire tordue, celui qui lèvera ce cachalot blanc, celui-là, mes petits gars, aura la pièce d'or. Hourra ! Hourra ! Les trois harponneurs avaient écouté avec un vif intérêt l'évocation de ce cachalot blanc. Capitaine, ce cachalot blanc doit être celui que certains appellent Moby Dick. Tu connais donc le cachalot blanc, Tash ? Est-ce qu'il a pas un souffle bizarre, très épais, prodigieusement rapide, capitaine Akab ? Et lui avoir aussi deux doigts ronds dans le cuir tordu. Oui, Kikeg, tordu et tortillé, comme un tire-bouchon. Oui, c'est lui par tous les diables. C'est Moby Dick. C'est Moby Dick que vous avez vu, mes garçons. Moby Dick. Moby Dick. Capitaine Akab, j'ai entendu parler de Moby Dick. N'est-ce pas Moby Dick qui vous a arraché votre jambe ? Qui t'a dit cela ? Oui, Starbuck. Oui, mes braves. C'est Moby Dick qui m'a dématé. C'est à Moby Dick que je dois de me tenir debout sur ce moignon mort. Oui ! C'est ce maudit cachalot blanc qui a fait de moi un béquille à rempoter jusqu'à la fin des temps. Oui ! Et je le pourchasserai dans les flammes de l'enfer. C'est pour cela que vous êtes à ce bord, matelot, pour chasser ce cachalot blanc d'un bout à l'autre du globe jusqu'à ce qu'il souffle un sang noir. Qu'en dites-vous, mes hommes ? Allez-vous me prêter vos bras ? Oui ! Oui ! Piquons le cachalot blanc ! Maître d'hôtel, allez chercher la mesure de rhum. Allons, Starbuck. Pourquoi cette mine allongée ? Tu ne te sens pas de taille à affronter Moby Dick ? Sa mâchoire tordue ne me fait pas peur, capitaine. Et je suis ici pour chasser des baleines, non pour exercer la vengeance personnelle de mon commandant. Combien de barriques d'huile tireras-tu de ta vengeance, capitaine Akab, en admettant que tu l'assouvisses? Elle ne te rapportera pas grand-chose sur le marché de Nantucket. Le marché de Nantucket. Point. Approche. Il te faut une explication plus profonde et subtile. Si l'argent doit être l'aune, alors laisse-moi te dire, mon brave, que ma vengeance produira de gros bénéfices ici. Te venger d'un simple animal qui ne t'a frappé que par le plus aveugle des instincts. Folie. Blasphème, capitaine Akab. Écoute. Descendons encore un peu plus profond. Écoute-moi bien. Tous les objets visibles ne sont que des masques de carton-pâte. Dans chaque événement, dans chaque geste, une chose inconnue mais douée de raison fait paraître le relief de ses traits. Si l'homme veut frapper, qu'il frappe à travers le masque. Comment le prisonnier pourrait-il parvenir à l'air libre sans fracasser le mur ? Le cachalot blanc est ce mur qu'on a poussé tout contre moi. Il me semble parfois qu'il n'y a rien au-delà. Mais assez. Il me défie, il m'écrase. Je vois en lui une force scandaleuse, une insondable malignité. C'est cette chose insondable que je hais par-dessus tout. Et que le cachalot soit principe ou agent, c'est sur lui que j'assouvirai ma haine. Ne me parle pas de blasphème, mon garçon. Je frapperai le soleil s'il m'insultait. Qui peut prétendre me dominer? À la vérité, on ne saurait fixer de frontières. Détourne les yeux. Le regard ahuri d'un imbécile est moins supportable que la prunelle incandescente d'un démon. Ah, tu pâlis. Ma fièvre a réduit ta colère à une lueur de braise. Mais oublie cela. Regarde là-bas, l'équipage. Des léopards païens. Des mécréants qui vivent sans chercher aucune explication aux sensations brûlantes qu'ils éprouvent. Ne vois-tu pas que dans cette histoire de cachalot, ils ne forment avec Akab qu'une seule et même personne ? Quoi ? La perspective d'une malheureuse chasse te ferait reculer, toi, la meilleure lance de Nantucket, quand tous les marins viennent d'empoigner leurs pierres à aiguiser ? Je vois. Des forces intérieures te tiennent en lisière. Parle donc. Alors, c'est ton silence qui parle pour toi. Ses poumons ont bu ce que mes narines dilatées ont exhalé. Starbuck est à moi désormais. Il ne peut plus me tenir tête sans faire acte de rébellion. Dieu me préserve. Dieu nous préserve tous. Le maître d'hôtel apportait le pot d'étain plein à ras-bord. Akab se tourna vers le marin le plus proche. Vois, et fais passer. Ce rhum descend en vous comme une vrille. Et vous met dans le regard la hargne venimeuse du serpent. Maître d'hôtel, remplis la mesure à nouveau. Il appela alors ses trois harponneurs et emplit les trois godets des harpons du feu liquide de la mesure d'étain. Les harponneurs levèrent les godets à barbe d'acier et burent dans un tumulte d'imprécations contre le cachalot blanc. Je laisse un pâle et trouble sillage. Des os pâles, des joues plus pâles encore partout sur mon passage. Les lames envieuses se gonflent de part et d'autre pour recouvrir ma trace. Qu'importe, je suis passé avant elle. La tâche n'a pas été si rude. Je pensais en trouver un au moins qui résisterait, mais non. Starbuck croit que je suis fou, mais je suis démoniaque, folie, frénétique, démence, qui ne connaît de repos que pour se comprendre. La prophétie voulait que je sois démembré, et il est vrai que j'ai perdu cette jambe, mais en cet instant, je prédis à mon tour que je démembrerai celui qui m'a démembré. Prophète et exécuteur ne feront plus qu'un désormais. C'est bien plus que vous ne fûtes jamais, vous, les dieux tout-puissants. Vous m'avez fait mordre la poussière, mais je me suis relevé. Voyez. Voyez si maintenant vous pouvez me dérouter. Me dérouter. Impossible de me dérouter sans vous dérouter vous-même. La voie qui mène à mon but est un rail de fer auquel sont exactement ajuster les roues de mon âme, et rien, nul coude, nul obstacle, ne ralentira la course infaillible et souveraine de mon chemin d'acier. Cette nuit, sur le gaillard d'avant, l'équipage boit et chante. Stubb répare un bras de vergue, Starbuck le second roule des pensées inquiètes. Ce tumulte joyeux vient de l'avant, mais ici, à l'arrière, rien ne brise le silence. Akab est à ses ruminations dans sa cabine, moi aux miennes. Père et pailleur, prenez votre quart. Mon âme est plus que vaincue. Elle est écrasée, et par un fou. Je devine son but impie, mais je me sens contraint par une indicible obligation de l'aider à l'atteindre. Je vois bien quel sera mon rôle. Obéir, la révolte au cœur. Et pis encore, haïr, avec une pointe de pitié, car je lis dans ses yeux une souffrance atroce. Mais tout espoir n'est pas perdu. Vaste est le monde des eaux. Et Dieu peut encore écarter son dessein sacrilège. Ô influence bénie, demeurez à mon côté. Tenez-moi serré dans vos liens protecteurs. C'était Moby Dick ou le cachalot de Herman Melville, traduction et adaptation de Philippe Jaborski. Troisième épisode avec Christophe Giordano, Ismaël, Jean-Pierre Calfon, le capitaine Akab, Olivier Clavery, Starbuck, Didier Brice, Stubb, Frédéric Lebray, Flasque, Miguel Mirtchev, Kikeg, Charles Clément, Tachtego, Christian Julien, Dagou, et Maurice Anthony, Olivier Arrigui, Grégory Kidel, Abel Aboualiten, Pierre-Jean Pagès, Donatien Guillot, Jacques Leplus, Xavier Cato. Et avec Philippe Brunteau, disparu en mer. Bruitage, Patrick Martinache. Équipe de réalisation, Philippe Carminati, Adrien Roc, Marie Placet, Jean-Mathieu Zande. Moby Dick de Herman Melville est publié sous la direction de Philippe Jaworski à la Bibliothèque de la Pléiade.